sorti au caï, m'a dirigé Rémi. Qui ça mal fait, mal travaille dans Chada. Si H m'a voyé, c'est Bigoua m'a voyé. C'est moi m'a jeté, c'est Roche m'a croisé, même travail en pile. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, malade, mais oui, madame, moi couché. Moi qui ai prescription, y'a besoin de manger soleil. Soleil a brûlé, moi pas gagné l'argent. La vie a mouillé, moi pas ça paré. Même travail en pile, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, mal na pays, travail en pile, la jambe pitié, les gens pour me faire pour mal na pays. Malade, mais oui, madame, moi couché. Moi gain prescription, y'a besoin de manger soleil. Soleil a brûlé, moi pas gain l'argent. La pluie a mouillé, moi pas ça paré. Même travail en pire, la jambe pitié, qui pour mal dans pays, travail en pile, la jambe pitié, pigeon pour me faire.